Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui une auteure pour laquelle j'ai eu un vrai coup de foudre, Victoire Morel. Bonjour Victoire. Bonjour Sarah. Je suis plus que ravie de vous recevoir dans les studios de Fadjet. Merci beaucoup. Je sais que les agendas sont contraints et vous m'accordez ce temps, donc je vous en remercie par avance. Je suis vraiment très contente. Moi de même. Alors, comme d'habitude, l'émission va se dérouler en 5 questions. 2 coupures musicales que vous avez choisies. Vous nous expliquerez, Victoire, pourquoi ces 2 morceaux. Oui. Et à la fin, comme le veut la tradition, le caprice de la semaine, donc que vous nous présenterez un livre coup de cœur que D'accord. vous avez eu. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Vous êtes prête. Alors, nous allons parler aujourd'hui donc de vos 2 romans, Les sapins d'Alsace parlent à voix basse, oui. et le deuxième, Un autre chemin, les 2 auto-édités. Tout à fait. Qui sont assez différents quand même, sur plein d'aspects, mais en même temps très communs. C'est ce qui fait le charme un petit peu de ces 2 romans. Comment vous est venue l'envie d'écrire, Victoire ? Alors, l'envie d'écrire, elle m'a habité aussi loin que je m'en souvienne. Très jeune enfant, sans aucun doute, mais surtout à l'adolescence. En fait, l'adolescence a été pour moi une période, effectivement, où j'ai pris la plume sur des petits cahiers d'écoliers, puisqu'à l'époque, il n'y avait que ça, pas d'ordinateur. Pas de PC. Pas de PC pour écrire. Mais voilà, c'est resté dans des cartons, c'est toujours dans des cartons, ce sera à la disposition de mes enfants, peut-être un jour quand ils tomberont dessus par hasard, mais ça n'a pas été plus loin. Ensuite, la vie s'est écoulée sans que j'ai le courage, on va dire, de me remettre à l'écriture, jusqu'en 2020, au moment du confinement, où, comme beaucoup de gens, j'ai eu besoin de trouver un projet qui oui. remplisse ma vie. Voilà, qui donne du sens. Qui donne du oui. sens dans une période où on était tous assez tourmentés. Et je me suis plongée à la fois dans des recherches généalogiques, historiques et familiales. J'ai commencé à prendre des notes et puis d'un seul coup, la plume s'est mise à courir, ou plutôt sur l'ordinateur d'ailleurs, plus que sur des cahiers. D'accord. Et voilà, j'ai écrit d'une traite le premier livre qui est Un autre chemin. D'une traite. Voilà, d'une traite, c'est venu. Avec des allées et venues, puisque, en fait, comme vous l'aurez compris, c'est un récit familial oui. et dont les protagonistes sont pour certains encore vivants et à qui j'ai demandé de me raconter ce qu'ils avaient vécu en tant qu'enfants dans les années 50. D'accord. Voilà, je me suis fait un peu porteuse de plumes. Et c'est un peu autobiographique, du coup. Oui, alors c'est effectivement l'histoire familiale, l'histoire de l'enfance de mon père, finalement, dont j'avais eu très peu connaissance en fait dans ma propre enfance, sur lequel il ne s'était jamais confié. Et voilà, cette période du confinement a été pour moi propice à retrouver des souvenirs, à discuter avec mes oncles et tantes, avec des gens qui sont au crépuscule de leur vie, on va dire, puisqu'ils ont entre 80 et 90 ans. Une sorte d'introspection nécessaire pour vous, peut-être ? Absolument, absolument. Hein ? Effectivement, j'ai toujours eu le sentiment que cette histoire avait pesé dans ma vie. J'ai eu besoin de l'écrire. D'accord. Et vous avez très bien fait de l'écrire, Victoire. Merci. Alors, on passe donc justement à la deuxième question. Donc, moi, j'ai eu un véritable coup de foudre, et il fera partie de mes 3 coups de foudre 2022 pour Un autre chemin. Je trouve qu'en qui décide de s'affranchir d'une vie qui ne lui convient pas en 1949, c'est révolutionnaire, je trouve pas d'autres mots, c'est absolument révolutionnaire. À l'époque, on est quand même, déjà être une femme c'est compliqué, parce que notre rôle c'est repeupler la France, c'est d'autant plus compliqué qu'on est là pour s'occuper des enfants et de la maison pendant que le mari, quand on a eu la chance qu'il survive à la guerre ou qu'il revienne comme Jules, son mari, travaille, parce que c'est son rôle, c'est défini comme ça dans la société. Absolument. À l'époque. Alors, la question, c'était, est-ce que cette histoire fait écho à votre histoire personnelle ? Donc, vous avez répondu en partie. Mais comment on découvre qu'on a une grand-mère qui aurait très bien... Elle vivait donc dans les années 50, mais qui aurait très bien pu vivre aujourd'hui dans les années 2000. Parce que tout ce qui est burn-out ou dépression féminine, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors qu'en 1950, ben on ne savait pas trop. On disait, elle est prise de mélancolie, elle est fatiguée. La mélancolie, oui, voilà. Exactement. Et... Alors, du coup, je me dis, mais comment on vit avec une grand-mère comme ça ? Alors, j'ai découvert Henriette, je vous dis, il y a 2 ans, parce que finalement, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Vous n'avez jamais connu votre grand-mère avant ? Alors, je l'ai rencontrée, effectivement, comme je l'évoque dans le livre. Oui. J'ai souhaité, à 30 ans, justement, aller la rencontrer, mais sans en savoir plus sur elle. Et c'est seulement dans ces dernières années que j'ai pu comprendre à quel point c'était une femme libre, enfin en tout cas qui a essayé d'être libre, puisque finalement elle est passée d'une soumission à une autre, oui. Elle est retombée dans une dépendance affective peut-être oui. encore plus dure et plus brutale que celle qu'elle avait connue auprès de son mari. J'ai eu envie de comprendre tout ça. Je suis très intéressée, sans être féministe extrémiste, je suis très intéressée par la condition des femmes. Et découvrir la condition des femmes dans les années 50, ça a été pour moi un gros choc, effectivement. Oui. Donc j'ai relu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, oui. les 2 tomes pour m'imprégner de... Que vous citez d'ailleurs en introduction Absolument. De ce livre. Pour oui. m'imprégner de ça, ce qu'était que la vie d'une femme à l'époque. Et c'est vrai qu'elles étaient peu nombreuses, celles qui avaient des velléités de liberté et surtout qui passaient à l'acte de cette liberté. Ça a été le cas d'Henriette. Alors, on peut l'aimer ou pas, on peut apprécier ou pas cette démarche, mais en tout cas, elle était prise de liberté et certainement d'un certain idéal. Oui, après, elle est passée d'une prison dorée à une autre presque. Absolument, absolument. Où on lui a fait miroiter des choses. Alors, je ne vais pas dévoiler tout Bien le sûr, livre, oui, mais on lui fait miroiter des choses si elle quitte son mari, mais au final, on pourrait appeler ça un miroir aux alouettes. Absolument, absolument. Et elle s'est retrouvée coincée là, et à l'époque, vivre complètement seule quand on est une femme dans les années 50, c'est même impensable pour la concernée. Absolument. Alors, Henriette a la chance, et ça aussi, c'est pas commun de venir d'un milieu très éduqué, oui. très favorisé, avec un père qui était d'ailleurs professeur au lycée Poincaré à Nancy, oui. qui était agrégé de grammaire et qui était quelqu'un, de ce que j'en sais, qui était aussi très attaché à la condition des jeunes filles et à l'éducation des jeunes filles. Donc oui. Henriette, qui est née en 1910, a cette chance-là d'avoir pu dans un milieu riche culturellement. Riche culturellement et avec un père qui l'a poussée, qui lui a mis des ailes dans le dos. Oui. Et ça, c'était rare. C'était rarissime à l'époque et c'était très important. Et cette femme jouait au tennis, fumait, avait son permis de conduire, ce qui oui. était absolument incroyable. Ça n'existait pas. On est dans l'immédiate après-guerre, il ne faut pas l'oublier. Oui. Finalement, 1949, au moment où elle va quitter son mari, c'est vraiment l'immédiate après-guerre. Et en plus, elle le dit à travers vos mots, elle dit, mais en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai tout pour être heureuse, il n'y a plus de privation, on peut sortir. Et pourtant, je ne suis pas heureuse. Oui. Je ne suis pas bien. Oui. Ce n'est pas la vie que je voulais. Oui, il y a quelque chose de post-traumatique qu'on retrouve dans plein de situations comparables. On l'entend souvent, effectivement, oui. dans les moments difficiles, que ce soit la maladie, le deuil, le manque, que sais-je, on fait face. Et après, on peut s'écrouler et on peut avoir envie d'autre chose. Oui. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Sans se rendre compte, et ça c'est vraiment l'autre point important du livre, des dégâts que ça pouvait faire sur 5 adolescents, enfants oui. et adolescents en pleine construction, oui. dans un Nancy des années 50 où effectivement c'était intolérable qu'une femme divorce... Qui n'était pas battue, qui n'était pas trompée. Voilà, et dont le mari n'était pas alcoolique. Et le mari n'était pas alcoolique, c'est très important dans le roman. Alors on va faire une première coupure musicale avec Georges Brassens, une coupure que vous avez choisie, Victoire, pour le titre « Maman, papa ». Alors, je vous demande, pour la forme, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Eh bien, alors déjà, j'aime beaucoup Georges Brassens, beaucoup, beaucoup, parce que mon grand-père l'écoutait beaucoup, c'est mes souvenirs de tourne-disque oui. d'enfant. Et d'autre part, effectivement, cette chanson est partie intégrante du roman Un autre chemin. Oui. C'est la transmission, on est enfant, on a une maman, un papa, et parfois on ne les comprend pas, ils ne nous comprennent pas, mais oui. malgré tout, l'amour finit par parler. Et voilà. Là, on se retrouve juste après Georges Brassens. Voici Maman, papa. Maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, maman, maman, maman. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, papa, papa, papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence de Victoire Morel. Alors nous allons aborder cette troisième question en abordant donc le second roman. C'est Les Sapins d'Alsace parlent à voix basse, oui. Toujours auto-édité. Oui. Alors dans Les Sapins d'Alsace, donc on a un parallèle entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, mais on a quand même un dénominateur commun qui est Jules. Le mari d'Henriette dans Un autre chemin, et Jules qui a impérativement voulu partir, combattre, aux côtés de ses maîtres d'armes, c'est peut-être pas le bon mot, qui revient parce qu'il était démobilisé, parce que justement il est père de famille nombreuse. Ça aussi c'est des choses qu'on retrouve, si t'as plus de temps d'enfants, tu rentres chez toi, c'est assez, on découvre ça un peu. Donc Jules est un peu le dénominateur commun de ces deux romans. Pour moi, c'est un petit peu l'axe qui permet de comprendre un petit peu l'histoire. Vous souhaitiez rester sur un terrain connu. Alors, terrain connu, c'est peut-être pas le bon terme. Il y a une grosse partie autobiographique, mais est-ce que Jules est pour vous l'axe fondateur de tout ce qui s'est passé après ? Oui, alors Jules est quelqu'un d'important, d'abord parce qu'il a été important dans ma vie d'enfant. Oui. Et puis parce que effectivement, il a traversé ces deux guerres. La première en tant qu'orphelin à l'âge de 7 ans. Oui. De son papa Charles mort dans les tranchées. Parce que sa propre mère, dans Un autre chemin, 30 ans après, porte encore le deuil. Absolument, de ce poilu mort sous les bombes allemandes et à jamais son amoureux. Oui. Voilà. Et Jules donc, a traversé ces deux guerres, d'une part en tant qu'enfant dans la première et en tant que jeune médecin dans la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a obtenu son diplôme de docteur en médecine en décembre 1939. Donc la guerre venait d'être déclarée. Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai changé un petit peu de registre. Effectivement, j'ai fait un petit flashback avec ce deuxième livre. C'était de comprendre pourquoi le couple de Jules et d'Henriette s'était petit à petit défait à une période où les couples ne se défaisaient pas. Oui. Qu'est-ce qui... Alors, on a compris qu'Henriette avait fait un burn-out maternel, que la vie avait été compliquée. Mais Jules avait aussi sa part. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est la transmission familiale, oui. Finalement. Jules avait sa part de chagrin et de traumatisme avec la mort de son père dans une tranchée, abandonné sans soins au fond d'une tranchée et personne pour le soigner. Donc voilà, c'est Jules, j'ai eu envie de le faire. Et Jules ne comprend pas pourquoi Henriette veut partir, parce que pour lui tout va bien, il travaille beaucoup, ok, mais elle manque pas d'amour, elle manque pas d'argent, voilà. Même s'il n'est pas trop présent, parce qu'à l'époque les médecins généralistes, on peut dire, étaient très très impliqués, matin, nuit, jour, week-end, vacances, il y avait... Voilà, c'était tout le temps. Et il ne comprend pas pourquoi sa femme le quitte. Mais est-ce que, dans Un autre chemin, mais est-ce que justement, lui a fait son chemin ? Parce qu'on a l'impression qu'il tombe de la lune. Mmh. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi elle me quitte. Il le dit à tout le monde. Mmh. Et est-ce que lui a conscience, justement, que c'est par rapport à tout ce qu'il a vécu enfant, qui n'est peut-être pas encore ou soignée ou délitée, en fait. Jules n'en a aucune conscience. Faut pas oublier qu'effectivement, on se place dans les années 50, encore une fois, où effectivement, la place des hommes et des femmes était tellement différente de celle d'aujourd'hui. Oui. Effectivement, sortir d'une période de privation, de quart de rationnement, de peur, parce que voilà, aujourd'hui, on connaît l'Ukraine, mais à l'époque, à Nancy, on vivait dans la peur aussi, tout le temps. Des bombes, etc. Et donc, se dire qu'effectivement, une femme pouvait être malheureuse alors qu'elle était comblée matériellement, ça n'effleurait pas, je pense, l'esprit de n'importe quel homme. Et Jules, aussi empathique qu'il puisse être en tant que médecin, effectivement soignant, n'a pas compris la souffrance de son épouse. Et quand on finit un autre chemin, il ne l'a toujours pas compris. Il ne l'a toujours pas compris, effectivement. Il n'a pas compris. Effectivement. Ouais. Alors, votre écriture dans les deux romans est extrêmement fluide. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très épurée, il n'y a rien de trop. En plus, parce qu'il n'y a rien de trop, on s'identifie très vite au personnage, qu'il soit masculin ou féminin. Alors, c'est évidemment, vous l'avez dit en début d'interview, de l'autobiographie, de la recherche, un devoir de transmission pour vous. Mais quelles sont vos inspirations littéraires dans tout ça? Qu'est-ce que vous aimez? Je pense qu'effectivement, tout ça se passe sous fond d'histoire du XXe siècle. J'aime les romans historiques. Je suis, par exemple, je suis une fan inconditionnelle de Pierre Lemaitre. Oui, j'aime placer des personnages ayant vécu à leur époque, j'aime rêver. Je ne suis pas, enfin voilà, je ne vais pas parler des heures de mes goûts littéraires, je ne suis pas très feel good, je n'ai pas envie qu'on parle de ma vie d'aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre et de transmettre la vie d'hier, les émotions des gens au début du XXe siècle, etc. Et c'est ça qui me plaît. Donc, on va dire que Pierre Lemaitre, pour moi, c'est un modèle, effectivement, c'est dans la façon que j'ai d'écrire. Après, j'aime, ce serait long, j'aime les auteurs du XIXe aussi. Oui. C'est vos inspirations. Voilà. C'est vos inspirations. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours choisie par vous, Victoire. Jean-Louis Aubert, On aime comme on a été aimé. Oui. Alors, pourquoi Jean-Louis Aubert? Parce que j'étais en tant qu'adolescente une grande fan de Téléphone. Ça a été vraiment, pour moi, c'est ma génération absolue. J'ai toujours aimé Jean-Louis Aubert et je trouve cette chanson magnifique parce qu'effectivement, on aime comme on a été aimé. On ne peut, on n'invente pas des sentiments, on les a reçus intrinsèquement quelque part et je trouve cette chanson absolument magnifique. Et on retrouvera le caprice de la semaine juste après. On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous griffe, ouvre ses plaies. L'amour nous soigne, l'amour nous fait. On aime comme on a été aimé. C'est cela qui nous fait courir, de reproduire et faire grandir ce qui nous a été donné sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. Les chiens ne font pas des chats, et que l'on est que ce qu'on connaît, qu'on désire ce qu'on ne connaît pas, un autre chien, un autre chat, on aime comme on a été aimé. aimer. Toutes ces secondes de tendresse dérobées à l'emporte-pièce, toutes les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse. On aime comme on a été aimé. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en compagnie de Victoire Morel, qui va nous présenter son caprice de la semaine. Victoire, c'est à vous. Alors, mon caprice de la semaine, bah écoutez, c'est un livre que j'ai terminé il y a peu de temps. J'étais au Livre sur la place au mois de septembre, oui, en tant qu'auteur, et j'ai fait évidemment mon petit tour en tant que lecteur. Et je me suis approchée de Victor Gestin, un peu par hasard. J'avais entendu parler de lui, mais je le voyais tout seul, tout apeuré, tout timide. Et je suis allée discuter avec lui et j'ai acheté son livre. J'en avais vu des critiques assez mitigées, des bonnes, des mauvaises, enfin voilà. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est de l'ordre du chef-d'œuvre. Son livre, donc, L'homme qui danse, c'est le deuxième roman de Victor Gestin, qui a 28 ans, je crois, qui a écrit son premier livre, La chaleur, à 22 ans. Alors, c'est une écriture que je trouve magistrale. On dit que les jeunes ne savent plus trop écrire, mais là, c'est juste une écriture fantastique. Et puis, un personnage de l'ordre du poète maudit, un adolescent mal dans sa peau qui a effectivement, on va le suivre de son adolescence jusqu'à l'âge adulte en boîte de nuit, puisque quasiment toutes les scènes se passent en boîte de nuit où il apprend à devenir adulte, il apprend les émotions, il apprend la sexualité, les contacts, les relations humaines, il est mal dans sa peau, mais petit à petit il construit sa route. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. J'aime tellement découvrir des livres par hasard en sortant des sentiers battus, et que ce soit de jolies découvertes. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment du bien. Merci Victoire d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans Caprice de lecture. Je rappelle le titre de vos deux romans, Un autre chemin et Les sapins d'Alsace parlent à voix basse, les deux auto-édités. Je rappelle que vous trouverez la chronique de Un autre chemin sur le site internet capricedelecture.fr, et je vous conseille vivement d'aller les lire, c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre littéraire pour 2022. Je vous souhaite de très belles lectures, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.